suis comme Bridget, j'ai 24 ans, je veux pas finir seule. Je me sens bridée par les clichés, j'ai pas de chaussettes neuves. Un petit plateau sur le bidon devant Forrest Gump. Je voudrais sortir mais j'ai un gros bouton sur la gueule. Allergique au chat, les likes sur Insta, je vois qu'on est nombreux. Les applis de chat m'inspirent pas des masses, on me dit fais ton mieux. Certains le voient mal, disent t'es pas normal, l'horloge passera. Et là j'ai trop de taf, mais papa Dorman, je veux mon agenda. J'suis comme Bridget, j'ai 24 ans, mais j'suis pas la seule. J'ai pas trouvé le prince de nos écrans, il est où? J'veux pas Tinder, j'veux pas foyer, j'réclame pas de fleurs. J'ai ma famille, j'ai mes amis et mon tes bisous. J'veux pas finir comme Bridget. J'veux pas finir comme Bridget Jones. Je veux pas finir comme Bridget. Je veux pas finir comme Bridget Jones. Bridget Jones. Je suis comme Bridget, comme un cœur mais pas si féminine. Passé minuit, quelques revêts posés dans mon pige. Je dois épeler les sourcils, là j'ai la flemme et j'oublie. Que notre image est le mirage de ce qu'on nous dit. J'ai de la haine, ouais, je voudrais qu'on foute la paix. Faut que tu sois belle pendant tes règles, date, l'hiver et toute l'année. Les magazines sont le reflet d'une réalité subjective. C'est pas la Bible, t'aimes pas ma game, vers mon canapé jubiliste. Les séducteurs, eux, sont des menteurs. Je ne suis pas la cible, je les analyse, je fais le videur. Check, je ne vois pas l'avenir, je fais la diff. Je vais pas finir seul, je finis pas dans ta suite. Je suis comme Bridget, mon cœur, je veux pas qu'on le brise. Je veux pas finir comme Bridget. Je veux pas finir comme Bridget Jones. Non, Bridget Jones. Je veux pas finir comme Bridget. Je veux pas finir comme Bridget, j'ai 24 ans, je connais bien mes rêves. Comment les accomplir, je fais des cauchemars toutes les nuits. Je veux pas vivre solo, mais je suis si seule dans ma tête. Je veux pas de ton amour si au final tu me quittes. Je veux pas finir comme Bridget. Je veux pas finir comme Bridget Jones.